histoire particulière. Le sport a le pouvoir de transcender les frontières du sexe, de l'ethnicité, de la religion et de la nationalité. Il favorise la santé, le bien-être, améliore l'estime de soi, enseigne le leadership, l'esprit d'équipe et la persévérance. Les femmes dans le sport défient les stéréotypes liés au genre, deviennent des exemples à suivre et montrent que les femmes et les hommes sont égaux. Le voir est un pas de plus pour l'être. Les femmes sont plus présentes dans le sport que jamais auparavant. Sur un total de 997 athlètes, seules 22 femmes concouraient pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900. En 2016, à Rio, environ 4700 femmes, soit 45% de tous les athlètes, ont représenté leur pays dans 306 épreuves. En 1928, à Amsterdam, les Jeux Olympiques d'été virent pour la première fois l'allumage de la flamme olympique et l'arrivée des femmes en athlétisme. Une femme fut privée de cette participation à ces Jeux. En voici l'histoire, parfois trouble, racontée par Clémence Alzard et réalisée par Christine Aubert. Moi, Violette Maurice, c'était quelqu'un qui ne m'intéressait pas du tout. J'avais un espèce de rejet de cette personnalité, de cette femme qui s'habillait en homme. Je ne savais pas encore qu'elle avait été accusée, à tort d'ailleurs, d'être une tortionnaire de la Gestapo qui prenait plaisir à torturer les femmes. Ça, c'est le schéma qui a été construit par Raymond Ruffin. Après, Violette Maurice a été accusée d'être la maîtresse d'Himmler, alors qu'elle était lesbienne. Mais c'est quand même étonnant que les gens aient cru ça. On zoome sur un personnage, elle est tout à fait remarquable, elle est tout à fait romanesque, elle est tout à fait fictive, réelle, et tout à fait susceptible de devenir un personnage de fiction. C'est un ovni. Espèce de personnage tout à fait identifié, tout à fait identifiable, parce qu'on peut le caractériser, on connaît son histoire, il y a des gens qui ont travaillé sur sa trajectoire. Elle ne se gardait pas de montrer qui elle était, ce qu'elle voulait, comment elle entendait le faire, avec beaucoup de caractère. Et les journalistes ne se privaient pas d'en parler, de s'en faire l'écho. En 9 ans, Violette Maurice n'a subi qu'une seule défaite. Est-ce un garçon ou une fille? Elle porte le costume masculin avec une telle aisance et depuis si longtemps que tous ceux qui la voient pour la première fois lui disent sans hésitation « monsieur ». Et il reste béant de stupéfaction quand de sa voix formidablement timbrée, elle rectifie « pardon, madame ». Elle se prête formidablement bien à ce que l'on raconte sa vie avec ses hauts, ses bas, ses moments de notoriété, ses firmaments sportifs, ses affaires judiciaires, cette fin dont on ne sait pas exactement à quoi elle est due, règlement de compte, affaires amoureuses, etc., etc. Donc elle est là plein écran. Nous l'avons vue l'autre jour au stade Pershing, toute vibrante de sa victoire. Oh, comme elle était heureuse. Mais moi, je la trouve pas du tout représentative de ce que pouvaient être les sportifs dans l'entre-deux-guerres. Vous devez être habitué à triompher dans le lancement du poids. Depuis combien de temps concourez-vous? Un coup de clairon? Depuis 1917, mon vieux. Et je n'ai été battu depuis 9 ans qu'une seule fois en 1922 par une diablesse d'américaine qui lança à 30 cm plus loin. L'intransigeant, 21 octobre 1926, Henri Musnick. Le cas Violette Maurice. Un documentaire de Clémence Alzard et Christine Robert. Aujourd'hui, ce qu'un homme fait, Violette peut le faire. Raymond Ruffin a prétendu qu'elle avait vendu les plans de la ligne Maginot aux Allemands. Vous vous rendez compte? Mais comment elle pouvait accéder au plan de la ligne Maginot? Mais c'est démentiel. Et pareil aussi pour les Jeux Olympiques de 1936. C'est à ces Jeux Olympiques qu'elle aurait été approchée par les nazis qui lui auraient demandé de travailler pour les Allemands. Or, moi j'ai fait des recherches, et notamment avec une historienne allemande du sport féminin, et je lui ai demandé si elle trouvait le nom de Violette Maurice parmi les invités officiels d'Hitler. parce que c'est ce qui a été écrit dans le livre. Or, elle m'a dit que d'abord, Hitler n'avait pas d'invité officiel et qu'elle a recherché dans toutes les archives et le nom de Violette Maurice apparaît nulle part. Mais je sais, moi, par le biais de la famille d'une de ses copines, Margot Patouillet, qu'elle est allée aux Jeux Olympiques de Berlin. Mais qu'elle y est allée en tant que sportive et qu'elle était même enchantée. Mais c'est tout. Elle est allée aux Jeux Olympiques. Point final. La vie de Violette Maurice se prête volontiers au mythe. Ce que l'on croit savoir, c'est qu'elle est la hyène de la Gestapo, une diablesse, tortionnaire sans scrupules de ses semblables, selon les mots de l'écrivain Raymond Ruffin. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est née en 1893 à Paris, dans une famille de militaires. Qu'elle sera tour à tour estafette à Verdun pendant la Grande Guerre, brillante athlète complète, artiste lyrique, amie du tout Paris anticonformiste et collabo. Émancipée, elle défie avec brio le sexe dit fort. Elle défie la morale et la loi dite naturelle. Ouvertement lesbienne, ses propos sont hardis et son habit, dès 1919, masculin. Déjà remarquée et remarquable nageuse, elle a 24 ans quand elle établit deux records mondiaux en lancer de poids et de javelot lors des premiers championnats de France d'athlétisme féminin. Qui s'intéresse aux championnes au XXe siècle, aux garçons des années folles, aux cabarets des années 30 ou au rôle des femmes dans la collaboration, croise le chemin de Violette Maurice. On la croise. On s'attarde peut-être un instant et on détourne le regard, souvent. Ni idéal ni emblème, à la regarder de trop près, on craint de déformer. Car elle est tout à la fois résolument inscrite dans les époques qu'elle traverse et tout à fait en dehors. Personnage hyperbole. La pensée bute sur le cas Maurice. Elle inquiète. On se méfie. Elle brouille les genres et les fantasmes brouillent les pistes. Alors ça, c'est la fameuse photo de l'équipe de football. Ici, donc, il y a Violette et Margot. Elle est là, Margot, voilà. Margot Patouillet. Marie-Jo Bonnet, historienne. Et là, c'est dans la voiture quand elle a gagné le bol d'or. Un solide gaillard. Mademoiselle Violette Maurice vient de gagner le bol d'or. Elle a terminé en tête, battant 18 hommes qui savent tous conduire et couvert 1700 kilomètres entre un soir et le lendemain. Des jeunes femmes autour de nous exultaient. « Hein, disaient-elles, les femmes, quand elles veulent. Nous savons depuis longtemps que les femmes sont capables d'énergie, de sang-froid, d'endurance et de patience. Elles en ont donné bien des preuves durant la guerre. Mais nous dédierons, avec un sourire de compassion, un portrait de Mademoiselle Violette Maurice aux ignorants qui se demandent encore quel est le véritable sexe fort. On la voit dans une voiture, le regard vaguement patibulaire, le clope au bec. Philippe Tétard, historien du sport. Dans un blouson qui est absolument pas féminin. Là, à ce moment-là, je crois qu'elle vient de remporter le bol d'or en 1927 et tous ses concurrents étaient des hommes. Bah, bien fait pour eux. Rien ne l'effrayait. Il y a 2 ans, nous traversions les Landes pendant Paris, les Pyrénées-Paris. Et nous buvions stoïquement l'orage venu à notre rencontre. Soudain, en plein désert, là où les marécages gris et la plaine infinie succèdent au double rideau de pins mélancoliques, nous entendîmes le coup de sifflet aigu du coureur qui veut passer. Un bolide rouge nous frôla, au volant, un rude gaillard qui avait enfoncé son mouchoir dans son col et qui filait, cheveux au vent, sous l'averse. C'était Mademoiselle Violette Maurice. Le Figaro, 9 juin 1927, Hervé Lovic. Celle-ci, elle est intéressante aussi, cette photo, parce qu'on voit Violette Maurice en train de boxer un homme. D'ailleurs, qui avait la même taille qu'elle, hein. C'est intéressant quand même, parce que c'était une grande femme. Hein. Là, elle est très mince, hein. Vous avez vu un peu. On est en 1913, elle a 20 ans. Ouais. C'est aussi une cycliste, une coureuse à pied, elle joue au water polo. Elle fait du vélo, elle fait de la boxe, elle fait de la natation, elle fait du javelot, du lancer du poids, du football. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Vous voyez, donc elle est omnisport. C'est vraiment la plus grande championne que la France ait connue. Hein, il faut le dire quand même. Hein. cette photo-là aussi. Elle est pas mal, hein. Elle est face à son miroir en train de mettre sa cravate. Et autour du miroir, c'est aussi plein de photos d'elle. Ouais, ou de sa famille, ou de ses amantes. Ça, malheureusement, j'ai pas pu. C'était pas assez précis pour le voir. Oui, elle est devant une glace en train de mettre sa cravate. Elle était toujours très bien soignée, hein. Chemise en soie, pantalon de flanelle et tout ça. Enfin, cheveux coupés au cordeau et tout ça, hein. Violette Maurice, c'est pas ce pantalon ordinaire des sportives qu'elle porte. Christine Barr, historienne des féminismes. Elle masculinise totalement son allure avec une cravate, avec une allure sportive parfois, ou une allure plus chic, avec des cheveux très courts, gominés, avec la cigarette. On lui reproche aussi sa vulgarité. Elle ne s'habille pas seulement d'une manière masculine, on dit qu'elle a un comportement général qui est masculin et qu'elle parle comme un homme. Elle avait un corps très bien fait, un physique vraiment bien, bien constitué. Et donc, elle a pu s'appuyer sur son corps pour conquérir sa liberté. C'est même pas une liberté de citoyenne, parce que elle était pas du tout dans les combats féministes pour les droits de vote et tout ça. Elle était pas féministe, mais elle a montré qu'une femme était capable, aussi capable que les autres. C'est sa devise, d'ailleurs. Ce qu'un homme peut faire, Violette peut le faire, oui. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est très moderne. Ça, c'est au moment où on s'habillait en femme, avec son chapeau sur la tête, à Paris, tout au début, quand elle a commencé à conduire. C'est son mari qui lui a appris à conduire. Cyprien Gouraud, son mari. Ouais. Cyprien Gouraud, la guerre de 14, il était aviateur. Comment on explique justement que Violette Maurice, elle se soit mariée à cet homme, Cyprien Gouraud, en 1914, donc à 21 ans? Moi, à mon avis, c'est pour faire plaisir à sa famille. Parce que les Gouraud, c'est aussi des militaires. C'est un mariage arrangé, très probablement, parce qu'elle était déjà lesbienne à cette époque-là. D'ailleurs, ça n'a pas marché, leur couple, hein. Ils ont divorcé en 1923. Une Amazone au XXe siècle où l'audace réfléchit d'un chirurgien moderne. Si la sagesse des nations avait prévu le cas de Madame Violette Maurice, elle n'aurait jamais rendu la sentence proverbiale « abondance de biens ne nuit pas ». Car Madame Maurice souffrait d'une exubérance pectorale. Madame Maurice, que ses occupations obligent à des déplacements incessants au volant de sa voiture, en fut réduite à comprimer sa gorge par des moyens orthopédiques et douloureux. Si douloureux que ses muscles thoraciques en étaient atrophiés. Madame Maurice fit appel à un chirurgien. Ami d'enfance de la championne, le docteur C, audacieux et savant, pratiqua en 45 minutes d'opération une incision esthétique. Que vont dire les hygiénistes? Tout est cas d'espèce. Le chirurgien en question, ancien élève du professeur Pinard, n'a opéré qu'à bon escient et n'aurait jamais consenti à sacrifier à une question de mode, ainsi qu'on l'a dit, la nécessité nationale de l'allaitement maternel. Elle le fait, elle l'affiche, on en parle. Ça, c'est la transgression ultime, quoi, parce que c'est la négation de la maternité, hein, l'impossibilité de nourrir. Donc ça, c'est terrible comme image. Ça renvoie à la question de la reproduction, ça renvoie très profondément à la question des normes et de la place de la femme dans la société. Oh, oui, c'est un acte de mort, quoi. Jadis, les Amazones se brûlaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Aujourd'hui, nos chirurgiens ont d'autres cordes aux leurs, à l'usage, entre autres, des sportives ferventes. Madame Maurice en est une preuve, mais elle n'en conserve pas moins la primeur. À une époque où tant de choses augmentent, d'avoir donné l'exemple spontané d'une réduction appréciable. Le Petit Journal, 1929, MJ. Il y a vraiment dans les années folles cette crainte que les femmes suppriment leur poitrine. D'ailleurs, certaines le font dans les années 20 parce que c'est la mode et que désormais, ça, il y a une offre médicale, c'est possible de le faire. On parle de plus en plus de chirurgie esthétique. Alors, c'est plutôt dans un but esthétique pour réduire la poitrine. Violette Maurice le fait pas à des fins esthétiques. Elle dit qu'elle le fait pour conduire plus facilement son bolide. Apparemment, son opération a été médiatisée. Elle n'a pas cherché à le cacher parce que elle et donc une partie de l'opinion aussi n'y voit pas de problème particulier. Et puis parce que dans les années 20, il y a quand même cette mode très saisissante de la poitrine plate. Beaucoup de femmes se bandent la poitrine pour faire disparaître totalement leur poitrine et se fabriquer comme ça un corps de mode un peu ambigu et un peu androgyne, un peu adolescent. Et les femmes plus âgées comme Colette, ont beaucoup critiqué cette mode qui bannit les rondeurs de maternité, de quelque chose qui relevait d'une sorte d'éternel féminin qui paraît menacé dans l'après-guerre. Hein. Donc ça apparaît comme un symptôme inquiétant d'une crise de la civilisation, voire d'une perspective de fin de l'humanité, de fin de l'hétérosexualité, de fin de la reproduction. On se dit mais les hommes ne seront plus séduits par les femmes. Pourquoi les femmes veulent-elles ressembler à de jeunes adolescents? Dans les défilés de mode, on ne reconnaît plus les hommes et les femmes. Il y a cette crainte de l'indistinction des sexes et donc de l'homosexualité aussi qui devient possible à la faveur de cette indistinction des sexes. Voilà, donc tout un ensemble de peurs, mais en même temps, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a à la fois un côté légitime parce que c'est la mode des années 20 et c'est la première fois que l'homosexualité devient une valeur de mode inspiratrice pour la mode, donc c'est un moment assez inouï. Mais en même temps, ça crée des peurs. Il y a tout un discours très exagérant beaucoup, d'ailleurs, l'ampleur de ces changements-là, qui se construit, un discours anti-féministe, homophobe, qui va se développer et mûrir au cours des années 20 et exploser dans les années 30 et 40. Violette Maurice dérange les institutions sportives. Elle conteste les décisions des arbitres, exige le remboursement de ses frais lors des déplacements internationaux, aurait des comportements inappropriés dans les vestiaires. En 1928, la fédération lui retire sa licence. Violette Maurice les attaque pour refus arbitraire de délivrance pour l'avenir de toute licence dans un but de vexation et demande 10 000 francs de dommages et intérêts. Si vous voulez, c'est une femme qui était acculée dans une impasse à cause de son histoire personnelle. Elle a fait un procès et elle a perdu son procès. Le pantalon de Madame Violette Maurice devant les juges. Un pantalon de drap bleu marine, surmonté d'un veston, au col et aux manches duquel apparaissait la plus élégamment virile des chemises de soie, pochette, stylo vert vif, une trace de tabac à ses doigts bagués, un bon sourire sur son visage à cheveux plats. Telle était hier Madame Violette Maurice, championne en tout sport et amazone connue, qui se fit couper, naguère, un sein, non pour tirer à l'arc, mais pour mieux conduire son auto, écrit un journaliste dans Le Petit Journal le 27 février 1930. C'est toute une affaire. Hein. D'abord, ça dure longtemps, ça mobilise les médias pendant un mois à peu près, et les titres qui reviennent le plus, c'est le procès du pantalon. En fait, on aurait dû dire le procès de la Fédération féminine sportive de France, puisque c'est Violette Maurice qui porte plainte, et ça devient le procès du pantalon et le procès de Violette Maurice. On parle d'un procès pittoresque, Et c'est souvent un adjectif qu'on retrouve à propos de l'ordonnance de 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme. À partir de la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 21e siècle, on a tendance à voir cette question-là comme une question un peu anecdotique, un peu pittoresque, alors qu'en réalité, les enjeux sont très importants en termes de liberté des femmes. Peut-être pour se masquer, justement, pour masquer les véritables enjeux politiques, hein, on diminue la portée du procès en faisant simplement quelque chose de pittoresque. Parce que la défense de Violette Maurice, c'est simplement que cet habit-là, cette tenue-là, elle est pratique, elle est saillante, je crois qu'il y a quand même ce mot-là, mais elle est surtout pratique et décente. Décente, oui, le mot décent revient. Et puis patriotique aussi, parce que elle a tout un storytelling. Elle explique, et son avocat explique qu'elle a commencé à s'habiller en homme pendant la Première Guerre mondiale. Donc mettre en avant les bons et loyaux services patriotiques, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Mais bon, ça ne va pas suffire, parce que à travers ce procès, c'est aussi le procès d'une femme aux mœurs douteuses. Alors on emploie beaucoup de périphrases, il se dit qu'elle est lesbienne, qu'elle a un comportement inapproprié avec les jeunes filles dans les vestiaires, le fait qu'elle s'habille de manière très masculine semble corroborer aussi le fait qu'elle est lesbienne, puisque c'est de cette manière-là qu'on se représente les lesbiennes, d'une manière virile, hein, avec l'idée qu'il y a une inversion du genre chez les lesbiennes, une âme virile enfermée dans un corps de femme. Donc voilà, ça n'est jamais dit franchement, mais c'est quand même un des dangers qu'il faut conjurer. Donc c'est aussi un procès exemplaire, hein, pour réfléchir quand même à l'homophobie et la lesbophobie dans ces années-là. Attendu qu'il apparaît évident que la dame Maurice croit s'être acquis dans ses rapports avec le conseil de la FFSF, par ses titres de guerre, ses victoires sportives, ses relations, sa notoriété relative, des droits à la liberté la plus absolue de conduite, de langage et d'habillement. Attendu que plus spécialement sur ce dernier... Oui, donc ça c'est une longue... c'est la citation des attendus du procès. L'argument de son avocat, c'est vraiment la modernité de son attitude, le fait que c'est tout à fait conforme à l'évolution des mœurs, qu'elle est certes un peu en avance, hein, c'est une pionnière dans cette évolution, et puis qu'elle est d'une certaine manière à l'avant-garde du féminisme. Le tribunal n'a pas à rechercher si la dame Violette Maurice, qui dans la vie civile revêt constamment le costume masculin, a ou non le droit au port de ce costume, mais si sa présence dans les locaux de la fédération, au milieu des jeunes sportives, sous l'habillement que les usages n'ont jamais accepté, est compatible avec le but poursuivi par la fédération. Attendu que ce but a été nettement défini. Donc l'avocat de Violette Maurice a finalement des arguments féministes, et en face on a Yvonne Néther, qui est une féministe, une figure du féminisme de l'entre-deux-guerres, qui finalement, elle, va utiliser aussi le féminisme, mais contre Violette Maurice. Certes, l'avocate Yvonne Néther est une féministe bien connue, progressiste, qui se rapproche même des féministes les plus radicales sur la question de la contraception. Elle, c'est une femme divorcée, très, très libre dans sa vie privée. Et donc c'est un petit peu étonnant de la rencontrer là, prenant la défense d'une position d'exclusion de la part de la Fédération sportive féminine de France. Mais voilà, elle souhaite là défendre la cause du sport féminin qui est en jeu à travers cette affaire. C'est toujours très fragile, le sport féminin, sa légitimité, les hésitations des parents à confier leurs filles, leurs adolescentes à des clubs sportif féminin. On accuse toujours le sport de viriliser les femmes et de toutes sortes de maux. Le sport va rendre les femmes stériles, immariables, trop indépendantes, trop musclées, horribles, laides, etc. Donc il y a beaucoup de réticences. Et puis on aborde une période plus conservatrice aussi, les années 30. Le sport féminin doit être irréprochable pour pouvoir être défendu. Et Violette Maurice donne l'image d'un excès condamnable moralement, avec ce soupçon, ces rumeurs sur son homosexualité. Et puis sa manière d'être qui... Alors, est-ce que sa manière d'être est réellement choquante? On sait que par ailleurs, Violette Maurice jouit d'une grande popularité. C'est une figure qui plaît, sa gouaille, son côté anticonformiste. Les Français sont pas tous conservateurs. On voit dans la presse qu'elle a quand même des articles très favorables qui admettent parfaitement que on puisse être excentrique, être hors genre, et même supprimer sa poitrine si c'est plus commode. Bon, ça fait jaser, mais ça entraîne pas forcément un discours de haine. Et donc, c'est très surprenant de voir Yvonne Néther et des féministes utiliser l'argument de l'interdiction du pantalon pour défendre la cause du sport féminin. Je trouve que c'est un bon indice de ce qui est en train de basculer à ce moment-là, y compris dans les rangs des féministes, qui modèrent leur discours, qui sont dans l'ensemble moins radicales. Le discours féministe radical est de moins en moins audible dans cette période. Et puis, on retrouve toujours cette peur de la fluidité du genre, de la sexualité. Et Violette Maurice incarne ça. Une femme comme la dame Maurice, dont par ailleurs l'honorabilité personnelle n'est pas ici en cause, qui par son habillement masculin, non toléré par l'usage, la hardiesse et la liberté de ses propos, l'affectation d'indépendance, la mutilation volontaire qu'elle s'est infligée, s'ingénie à répudier le sexe auquel elle appartient, pour revêtir les apparences d'un autre dont la loi naturelle l'écarte à jamais. Après le verdict, quand on sait donc que Violette Maurice a perdu son procès, ne tiendra pas de dédommagement après son licenciement de la Fédération française de sport féminin, le Petit Journal écrit en avril 1930 que Madame Violette Maurice aura bénéficié pendant ses jours de fête du droit de se costumer à sa guise. La voici rentrée dans l'ordre, c'est-à-dire dans la toilette féminine accoutumée, expiatoirement saupoudrée d'une pincée de cendre. C'est intéressant qu'ils disent « la voilà rentrée dans l'ordre ». Donc l'ordre, c'est vraiment l'ordre des sexes. Il faut bien saisir la date du procès, 1930. On est déjà dans ce moment de bascule après les années folles vers une période plus conservatrice où on cherche à restaurer l'ordre moral. Et finalement, Violette Maurice, c'est peut-être une des premières victimes de ce retour à l'ordre moral dès les années 30. Elle ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer à l'issue du procès. Si vous voulez, ce procès, c'est comme si on l'a tué symboliquement. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de prouver sa valeur. Et comme c'est une femme qui, toute sa vie, a voulu... Elle avait l'esprit de compétition. Elle était vraiment... ça, il y a le grand-père derrière, qui va conquérir l'Algérie, contre Abdelkader. On le voit très bien monter sur un cheval, en train de mater Abdelkader, le grand Abdelkader. Donc Violette, elle avait hérité de cet esprit de conquête. Elle s'arroge un pouvoir qui est détenu par les hommes et qui n'est pas du tout à la disposition des femmes. C'est une question de pouvoir. La femme qui s'identifie au masculin est insupportable. Mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir abandonner mon moulinès, devenir unisex. C'était le cas Violette Maurice. Ce qu'un homme fait, Violette peut le faire. Pour savoir marcher, fumer toute la journée. Avec Marie-Jo Bonnet, Philippe Tétard et Christine Barr. Lecture, Samuel Glomet. Prise de son, Georges Thau et Nicolas Delmas. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Christine Bernard. Stagiaire, Lily Cornaer. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Christine Robert. La suite du documentaire sur Violette Maurice et sa part d'ombre, ce sera demain à 13h30. Pour le moment, à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.